fou. Position, je prenais dans fou. Tout des Tokyo de ma gang, zou. Pas besoin de fou, tant qu'on fuck, fuck tout. Chaussettes, trou et sport à l'école. Aujourd'hui, si je veux, je prends les Western. J'ai la couronne autour de moi, tout le reste trône. Je les vois tous venir comme un sextoy. Que les vrais têtes de vainqueur, belle pomme. Je les ai pris à la jugger comme Hercon. Je connais personne, je connais personne. Que les home run comme un baseball.